où il est propice que tu fonctionnes mentalement. Fait que s'il est propice que tu fonctionnes mentalement, là, tu le découvres, t'en prends conscience, puis t'agis dessus. Il n'y a pas de préconception, il n'y a pas de préparation antérieure. Si vous vous préparez antérieurement, vous faites du psychisme. Puis ça ne se manifestera jamais comme vous voulez. Regardez vos expériences. Quand vous dites, bon, demain matin, mon boss m'a donné la merde. Vous arrivez au bureau, il vous donne du café, final. Il vient vous offrir une cigarette, il a tué la vibration. Ni plus ni moins, tu essaies quelque chose, tu es surpris de l'avoir décidé. Au début, tu es surpris, puis un jour, tu n'es plus. Oui, mais c'est ça. Tu prends une décision, tu diras, j'avais pas pensé à ça, puis la décision est prise. Ouais. C'est ça. Puis éventuellement, tu en arrives à peu être surpris. Parce que tant que tu es surpris, là, c'est parce qu'une réflexion dans ton ego. Éventuellement, tu n'es plus surpris. Ça arrive que tu dis quelque chose où tu prends une décision assez vite, tu dis autre. C'est ça. Tu restes surpris de l'avoir pris. C'est ça. Ça fait partie de ça. Tu n'avais pensé que tu aurais pris une décision. C'est ça. Tu avais pensé que tu n'aurais pas pris. C'est ça. Parce que dans le cycle qui vient, c'est le cycle du mental, du plan mental. C'est pas le cycle du psychisme. Nous autres, les hommes, on est totalement ignorants de l'esprit tant qu'on n'a pas combattu l'esprit. C'est pour ça que, rendu au stage où l'humanité est rendue, je suis obligé de détruire des formes qui paralysent l'esprit de l'homme pour lui donner des béquilles spirituelles. Parce que tant que l'homme est à l'intérieur des formes spirituelles et des béquilles spirituelles, il ne se servira jamais de l'esprit parce qu'il ne se rebellera jamais contre l'esprit. Un homme qui est spirituel, il ne va pas se rebeller contre l'esprit. Il fait un petit tout. Et tu combattes l'esprit par l'esprit? Il faut combattre l'esprit par l'esprit. Ça veut dire de faire ce que tu sais sur le sang. Faut faire déjeuner, prendre un petit pain, puis je vais rester le même. Non. Dites-moi sans compte. Je veux dire, faut déjeuner, prendre un petit pain, puis je vais rester comme ça. Non. Faire quelque chose, bouger. T'es jamais né pour rien. Non, mais ça, je t'es né tout vous en relation avec ton potentiel. Seulement, si tu penses que t'es né pour un petit pain, mais tu vas rester avec un petit pain. Ça, c'est le subjectif. Les autres, ils vont dire. Les autres, ils vont spiritualiser au bout, là. Là? Tu manges ton petit pain noir pour te déconditionner du matérialisme, mais à un certain moment, tu veux manger du pain blanc. Ouais. Moi, je n'ai plein de cul de manger du pain noir, je n'ai mangé par 11 ans, puis j'en mangerai plus. Mais pour en arriver à ça, il faut que tu détruises les formes qui font partie de ton évolution, ta spiritualisation, la réorganisation psychique de ton être, pour en arriver un jour à pouvoir faire puis manger la couleur de pain que tu veux. C'est là, à ce moment-là, là, que ta créativité descend, puis c'est là que tu commences à être créatif. Il est là le danger de la spiritualité dans le monde. Moi, j'ai rien contre la spiritualité mondiale. C'est essentiel là, au développement de la spiritualité mondiale. Mais je sais que la spiritualité mondiale, c'est une forme qui retarde l'individu sur la planète. Qui retarde la descente de la volonté cosmique dans l'homme, qui retarde l'explosion du cosmique de l'homme vers l'extérieur et qui empêche les hommes d'entrer en contact avec les extraterrestres. Ça va loin l'affaire de la spiritualité. Seulement, on est tellement des tatas et des nonos parce qu'on n'a pas de point de référence intérieur. On est fait de tout ce que tout le monde dit. On est fait de tout ce que les maîtres disent qu'on ne comprend pas. Puis on est fait de tout ce que les maîtres disent, que les autres ne comprennent pas. Fait que tu comprends qu'on a des échelles à monter. Fait que tant qu'on n'a pas souffert la grande souffrance personnelle, interne, qui est le combat éventuel entre notre esprit et l'esprit, on est incapable de découvrir les lois de l'esprit et de comprendre les limites de la spiritualité et l'information de l'esprit dans la matière matérielle de l'homme qui est à travers les formes spirituelles. Parce que c'est à travers les formes spirituelles que l'esprit se manifeste au niveau de l'information. Mais c'est au niveau de la volonté de l'individu que l'esprit se manifeste en tant qu'énergie dans l'individu. Puis c'est en tant qu'énergie dans l'individu que l'esprit doit se manifester et non en tant qu'information. Parce que quand tu fonctionnes vibratoirement, quand tu sens la vibration la contient l'information. Elle n'a pas besoin de passer par ton psychisme, cette vibration-là. Elle n'a pas besoin d'être saisie par ton intellect, cette vibration-là. Elle est synthétique, elle est totale. si tu peux agir dessus, tu vas découvrir tous les aspects de cette vibration-là et ce qu'elle implique en tant que, qu'expérience qui peut, si tu regardes en arrière après, la définir comme étant faisant partie de telle chose, de telle chose, de telle chose, de telle chose. Mais on est habitué, oui, et on est conditionné 100% à fonctionner psychiquement. Fonctionner psychiquement. 100% qu'on est conditionné à ça. C'est pour ça que l'évolution du supramental, la descente du supramental sur la Terre, est une descente longue. Parce que les hommes sont emprisonnés dans la spiritualité. De sorte que la volonté de l'homme est conditionnée par la spiritualité, son amour est formulé par la spiritualité, son intelligence est dicté par la spiritualité. C'est beau, c'est au bout, ça. Parce que quand ton intelligence commence à être dictée par ta spiritualité, l'intelligence que tu as, c'est jamais l'intelligence pour toi, c'est toujours l'intelligence pour ta transformation. Puis à un certain moment, il faut que ton intelligence te serve pour toi et non ta transformation. Il faut que ça cesse, la transformation, un jour. On n'a pas besoin d'être des transformateurs. Il faut que ça arrête. Ça arrête quand tu as réalisé la limite de ta résistance, puis que tu commences à vivre le combat de ton esprit contre eux autres. Puis quand tu commences à vivre le combat de ton esprit contre eux autres, là, à ce moment-là, tu es rendu centré. Puis à ce moment-là, ta destinée, t'as fait. T'as construit comme tu veux. Puis il n'y a rien pour t'arriver. C'est-à-dire que, elle est déjà connue. Mais toi, il faut que tu en fasses expérience. Quand même, je te dirais, moi, ce que tu vas faire dans 3 ans, il faut que tu en fasses expérience. Pour penser vers le combat. C'est ça. Ah, crevez-en pas de votre crise de plan de vie. Il est là, votre plan de vie, comme une peinture sur le mur. Arrangez-vous pour vivre votre vie comme vous pouvez le faire au maximum de vos possibilités, puis à ce moment-là, vous verrez que c'est à ça votre plan de vie. Comment dire? Laissez le faire votre plan de vie, puis tout le set. Si vous étiez des pharaons, des césars ou des séances, faites votre vie, puis travaillez chez tout. Mais avec la volonté. Parce qu'un plan de vie, là, le mot plan de vie, c'est un mot. Le chien, il se demande pas qu'est-ce que c'est son plan de vie. Puis il me dit la viande, il va la manger. Mais nous autres, on devrait être de même. À un niveau supérieur, si tu veux. Notre plan de vie, on ne devrait pas s'occuper de notre plan de vie. Puis on ne devrait pas savoir si on est rendu, ou si on est évolué ou pas évolué. Ou de savoir si on était des Césars ou des Pharaons. On devrait s'occuper d'être bien dans notre peau, puis d'être toujours en puissance dans notre peau. Mais bien que c'est beau, j'ai question. Effectivement, c'est beau. Tout le monde, c'est beau. Il brûle d'énergie. Il ne fonctionne pas à un fournaise à 100%. À savoir ce qu'il était. Exactement. C'est sans importance. S'il y a un gars qui devrait savoir son plan de vie, c'est bien moi. Je m'en crisse comme dans la garante. S'il veut me dire quelque chose, qu'il me le dise, ça me passe d'un oreille, ça me sort par l'autre oreille. C'est pour ça qu'il me le dise. Quand je disais que dans le but, tantôt, je ne voulais pas dire ce qu'on avait fait, mais je pensais seulement, disons, le point de vue, limitation. Quand même, on a certains bagages. Il n'y en a pas de limite dans l'homme. Les limites que l'homme possède, ce sont des limites qu'il s'impose par son ignorance. L'homme n'a pas de limite. L'homme, c'est un être qui est infini dans son potentiel. Il n'y en a pas de limite. Puis penser à des limites, c'est penser psychiquement. Il n'y en a pas de limite. Mais pour pouvoir vivre sans limite, en dehors des limites psychologiques, psychiques, il faut que tu vives mentalement. À ce moment-là, il n'y a pas de limite. Non. T'en vois pas, t'en conçois pas. Ça arrive même pas à ton esprit. C'est le gars qui a inventé les limites du désir. C'est du psychiste. Je te parle de la conscience. D'autres, ils parlent des carottes. Je pense qu'il voulait dire, lui, que on a déjà parlé de ça. Le gars, il avait fait des kilomètres, donc il avait jusqu'à 60 000 à l'heure. Pour vous dire, ils vont en faire 10. Il avait pensé que ça se limiterait à 60, mais ça n'empêche pas que ça se limite. Il n'y a pas de limite. C'est ça. Il n'y a pas. Puis si les hommes savaient jusqu'à quel point il n'y aurait pas de limite, les hommes seraient surpris du potentiel en eux. Mais ce qu'il y a de plus drôle dans la vie, c'est que tu ne réalises jamais ton potentiel tant que tu ne l'as pas réalisé. Churchill a souvent dit que c'est avantageux de brusquer des choses, des fois. Quoi? On devrait plus souvent brusquer les choses. Il ne s'agit pas de brusquer les choses, parce que là, vous pouvez tomber dans des attitudes du psychisme. Il s'agit de sentir la vibration et agir dessus. Là, automatiquement, vous brusquez les choses. Comprenez-vous, là? On est justement par l'excès de quelque chose. Non, il n'y a pas d'excès là-dedans. Non, il n'y a pas d'excès. Il y a des gens qui sont venus dans les séminaires, qui sont partis en croisade après. Eux autres, ils ont brusqué des choses. Ouais. Ils ont développé une attitude, ils ont pris ce que j'ai dit, puis ils ont mis ça en action, puis ça a créé des réactions. Ce qu'il s'agit, c'est de sentir la vibration. Quand elle passe, la vibration, là, tu agis. Là, tu bouges. Tu fais ce que, ça fait ce que ça doit faire. Là, tu ne brusques pas des choses. Quand tu es nassé d'une situation, puis tu sens la vibration, là tu fais le mouvement d'énergie. Parce qu'il y en a bien des gens qui n'ont plein de casse des situations, mais ils ne sentent pas la vibration encore. Parce que s'ils agissent, ils n'agissent pas dans le bon temps, ça n'a pas les bons effets. Mais si tu agis dans le bon temps, dans le temps de la vibration, à ce moment-là, ça part. Là, tu enclaires un terrain. La vibration n'est jamais provoquée par un événement. La vibration est continue sur tous les plans. Et ce qui se produit sur le plan matériel coïncide déjà avec des activités qui ont été préparatoires à la descente de la vibration. De sorte que quand il y a une concrétisation dans l'espace-temps de l'événement, la vibration est là. Autrement dit, eux autres savent si ton boss demain matin va avoir une gueule de bois. Ils peuvent te préparer dans la nuit astralement à la descente d'énergie. Puis quand tu arrives le lendemain matin, toi et ton boss, tu te rends compte que la vibration est là, il y a un éclatement. Parce qu'elle est présente, l'énergie. C'est vibratoire, elle est présente. Sur tous les plans, c'est continu. Elle descend jusque sur le plan le plus bas. Plus t'es mental, puis moins t'es psychique, plus t'es apte à laisser passer la vibration anytime, quand c'est essentiel. Mais tu laisses passer la vibration parce qu'elle est là pour passer, elle est due à passer. Puis c'est ça le discernement. Le fameux discernement. C'est au-delà du psychisme, le discernement. C'est vibratoire. OK, je vais commencer un autre volet. Les hommes sont en train d'apprendre à recommuniquer avec les rues, à recommuniquer avec les clans spirituels. À recommuniquer avec les plans de vie. Mais les gens ne savent pas communiquer avec les plans de vie. Les gens communiquent mal. Parce que les gens pensent qu'en communiquant avec ces plans-là, ils vont pouvoir recevoir de l'information sur ces plans-là qui font leur affaire à eux autres. Puis ce qui arrive, c'est que des fois, c'est ça, ça fait leur affaire à eux autres, mais des fois, ça ne fait pas leur affaire à eux autres. Puis l'opération de communication entre les plans, les hommes doivent se méfier complètement de la communication qu'ils ont avec les plans. Totalement se méfier. Parce que le but de la communication entre les plans, tant que l'homme n'est pas arrivé à être totalement centré, le but, c'est de sceller, c'est de lier, c'est de cimenter le psychisme de l'homme au mental de l'homme. Quand il y a une cimentation ou une liaison qui est faite entre le psychisme de l'homme et le mental de l'homme, à ce moment-là, l'homme est pogné. C'est comme ça qu'il pogne l'homme. C'est comme ça qu'il l'accroche, l'homme. Quand l'homme communique avec les autres, il parle, il fait il donne des informations positives, des informations qui ne servent pas, des niaiseries ou quelque chose d'intelligent. Dépendant de ce qu'il va faire. Là, le gars, à un certain moment, là, il est pogné. Là, ce qui arrive, c'est que l'homme devient totalement psychiquement dépendant d'eux autres. On devient dépendant de la communication. Et on ne doit pas être dépendant de la communication. Parce que quand on devient dépendant de la communication, à ce moment-là, au lieu de fonctionner, nous autres, d'une façon autonome, au lieu de fonctionner à l'intérieur de notre énergie mentale, on essaie de mesurer cette énergie-là avec notre ego. Il ne faut pas la mesurer, l'énergie, avec notre ego. Il faut la vivre dans son instantané. Je vous donne un exemple. Prends l'exemple d'une mère qui est en famille, elle va avoir son enfant là, d'un mois, deux mois. Là, elle se fait du sang, du mauvais sang. Puis là, ça leur demande s'il va être cute, s'il va être beau, s'il va être rose, s'il va être six doigts, deux doigts. C'est ça la question. Bon. Les autres, ils vont vous donner des réponses. Toujours, soit pour calmer votre esprit, pour relaxer votre esprit, ou pour vous créer des petites tensions dans votre esprit, ou pour vous laisser en suspension. La femme, elle, qui est en famille, elle devra apprendre une fois pour toutes de pas s'occuper d'eux autres. Elle peut s'intéresser à eux autres, mais pas s'occuper d'eux autres. Moi, je m'occupe pas d'eux autres. Hein? Même dans le fond, eux autres, je les ai dans le cul. Complètement dans le cul, parce que j'ai tellement souffert d'eux autres que je veux rien savoir d'eux autres. Puis ils savent que je veux rien savoir d'eux autres. Ça les empêche pas de travailler avec moi. Vas-y. Vas-y. Je veux rien savoir d'eux autres. Pourtant, s'il y a un homme qui est près d'eux autres, c'est bien moi. Pis c'est pour ça que je veux rien savoir d'eux autres, parce que je suis trop près d'eux autres. Puis quand t'es bien près de ta belle-mère, tu veux rien savoir de ta belle-mère. Là, je vous parle comme ça pour détruire des formes, pour vous faire comprendre à ceux qui ont encore des illusions que dans tout le mécanisme de relation entre le cosmique haut et le cosmique inférieur, il n'y a rien qu'une loi qui prévaut, c'est la loi de l'unité. Ce qui est en haut est en bas. Puis ce qui est en haut est aussi important que ce qui est en bas, puis ce qui est en bas c'est aussi important que ce qui est en haut, puis tout le reste, quand même qui dirait l'humanité, les hommes créent des enfants, puis un jour l'homme aura pas besoin de créer des enfants, parce que les enfants, la création des enfants sur le plan matériel, ça fait partie des plaisirs de l'ego, puis que sur les autres plans, les esprits créent aussi des enfants, mais c'est pas, ils le font pas par contact sexuel, parce que c'est tout fait au niveau de la pensée. Je m'en sac comme dans l'an 40, comment est-ce qu'ils font leur petit en haut. Ce qui compte pour moi, c'est que pendant que je suis dans la matière, que les petits, je les fais de la façon que je les fais. Les petits, je veux les vivre en relation avec des dimensions de paix, d'énergie, d'harmonie, selon la dimension de mon intelligence, pour que ma vie familiale ou ma vie en tant qu'homme vivant dans une société ou avec des gens sociaux soit la plus harmonieuse et la plus créative possible. Tout le reste, leur patente, je veux rien savoir. Quand je transpose ça dans votre esprit, ce que je veux dire, c'est ceci. C'est apprenez-donc une fois pour toutes à ne pas vous intéresser et à ne pas vous casser la tête avec ce qui se passe dans les mondes invisibles. À ne pas vous intéresser à comparer ce qui se passe dans les mondes invisibles au niveau de la valeur des fonctions, même sur le plan de la fonction sexuelle, avec les valeurs que vous avez sur le plan matériel. Vous êtes dans la matière, votre esprit est dans la matière, vivez votre matière consciemment. Si vous vivez votre matière consciemment, vous la vivrez, votre matière, à un point, un jour, où vous serez capable de la spiritualiser, c'est-à-dire de la faire pénétrer d'une certaine énergie qui la libérera du magnétisme de la planète, qui la libérera des failles qui empêchent la matière d'être soumise au contrôle de la volonté de l'homme. Quand je vous dis, prenez donc mon expérience, ce que je veux dire, c'est que ce que je vous dis, moi, la façon que je vous dis les choses, n'importe quelle façon que je vous dis les choses, je vous les dis toujours pour une raison qui est bien particulière et que je peux tout vous expliquer en détail. Ce qui est important pour vous autres, c'est de ne pas vous occuper des détails, mais de vous occuper de pouvoir prendre psychiquement ce que je vous dis puis le transmuter en énergie mentale. De détruire les formes de l'émotion quand je vous dis quelque chose pour que cette énergie-là serve à construire votre corps mental. Le reste, c'est toute de la connerie. C'est toute de la connerie. On doit se libérer psychiquement afin de pouvoir vivre de l'énergie vibratoire qui provient des plans supérieurs et qui descend jusque sur le plan de l'âme. Pour qu'on puisse se servir de cette énergie-là, pour qu'on puisse vivre sur le plan matériel au bas. Puis tu peux pas vivre au bas si t'es esclave. Tu peux pas vivre au bout si t'es esclave spirituel. Tu peux pas vivre au bout si t'es esclave de l'amour. Tu peux pas vivre au bout si t'es esclave d'une petite volonté faible. Tu peux pas vivre au bout si t'es esclave de l'intelligence qui est faible. Pour vivre au bout, il faut que tu sois totalement centré. faut que tu aies de la résistance à, au travail qu'ils font, absorber l'énergie qui rentre dans des gars, puis un jour être assez fort. Tu ne vas pas te battre avec un gars tant que tu t'es pas pratiqué. Fait que si vous voulez être des boxeurs, pratiquez-vous, puis un jour, vous irez rencontrer Mohamed Ali, vous lui casserez la gueule. Bon, c'est la même chose avec les autres. On se pratique, puis on se pratique, puis c'est eux autres qui nous créent les conditions pour qu'on se pratique. Puis un jour, tu vas dans le ring avec eux autres, puis t'es knock-out. Puis quand t'es knock-out, eux autres, ils n'ont plus besoin de te parler. Là, t'as la tête vide, puis t'es bien. T'es en vacances tout le temps. Puis si t'as besoin de dire quelque chose à quelqu'un pour élever le niveau de conscience de l'humanité, ça passe, puis tu le dis, puis dans ta tête, il n'y a rien là. Tu t'occupes pas de ce que tu dis, t'es pas intéressé à ce que tu dis, ton plaisir est dans le fait que tu le dis. Pas dans le fait que tu y penses, puis que tu t'as mis jeté dessus, puis que t'as fait de l'overtime dans ta tête. Ta tête est toujours vide, parce que tu sais que t'as toujours raison, parce que tu sais que tu peux jamais te tromper, parce que tu sais que tu peux pas penser. Puis quand tu peux pas penser, l'énergie, il faut qu'elle vienne de quelque part. Elle vient pas de ta poche. Fait qu'à ce moment-là, tu fonctionnais qu'avec l'énergie. Puis quand tu fonctionnais qu'avec l'énergie, quand même le monde dirait, c'est un colon, ce gars-là, il est croche, c'est pas de merde. Ça change rien dans ton esprit, parce que toi, t'es pas impliqué dans ce que tu dis, puis dans ce que tu fais. Quand t'es pas impliqué dans ce que tu dis, puis dans ce que tu fais, quand t'es pas obligé de prouver rien, de rien à prouver, que tout ce que tu fais, c'est jaser, t'es bête, genre. Fait que moi, genre. On n'est pas habitué à vivre. On est habitué à exister. On est habitué à fonctionner psychiquement, intellectuellement. Mais à fonctionner mentalement, on n'est pas habitué parce qu'on ne sait pas qu'est-ce que c'est. Tu ne peux pas t'habituer à ça. Tu deviens ça. Ça fait partie de ta deuxième peau. Puis quand tu fonctionnes mentalement, tu fonctionnes mentalement. Comment que le monde sera rouge? Comment qu'il y aura 4 milliards d'habitants sans tête? Tu seras seul, il n'y a rien là. Quand t'es rendu qu'il n'y a rien là, là, le monde entier peut être opposé à toi en tant qu'individu. Là, t'es bien maudit. Là, t'es bien. Tout le monde est fou, mais pas toi. Même si tout le monde te dit que t'es fou, toi, tu sais que t'es pas fou, fait que t'es bien maudit. Mais faut être centré. Faut être centré pour savoir qu'on n'est pas fou. Quand tout le monde est fou. Hein? Tu peux pas toujours douter de ta sanité, plutôt douter de ce que tu sais et ce que tu sens. Tu peux pas toujours douter de toi-même. À un certain moment, il faut que tu doutes plus, parce que tu n'es plus capable. Parce que tu as combattu contre eux autres et tu as gagné des épreuves. Ils vont tous t'appuyer après. Ils vont tous les tours et là, tours. Est-ce que tu es rendu avec eux autres, tu travailles sur de l'autre force qui est plus haut que d'autres, tu deviens membre de la même équipe, tu ne peux pas travailler en bas? Tu travailles des épreuves. Les catégories, les statuts sociaux, les statuts cosmiques. Si tu arrives à la même égalité que les autres, tu as le force, mais tu fais qu'est-ce que tu as à faire? C'est pas une affaire d'égalité, c'est une affaire vibratoire. Ouais, c'est ça. On a mystifié l'invisible, on a mystifié les mondes spirituels, on a mystifié les mondes de la lumière. On les a mystifiés parce qu'on pense. Puis on les a mystifiés parce qu'on emploie des mots pour les déterminer, pour les définir, pour les situer. On les a mystifiés. Mais quand t'es voué face à face, c'est un autre pain de la main. Il n'y a absolument rien là. Alors, ce que je veux dire, moi, c'est que tout le temps, les autres, tu t'imposent des expériences jusqu'à temps que tu arrives. Jusqu'à temps que tu es démystifié. Ouais. T'arrives, tu vois qui c'est, là, tu commences à faire le travail. Et là. Mais le travail est décidé au-dessus de l'autre. Le travail, ça fait partie de leur activité, de leur mouvement dans le cosmos. Ouais, tout est ton travail, puis les autres, ils ont leur travail. Mais ça, faut qu'on les démystifie, eux autres. Faut que tu vois qui c'est. Faut que tu vois comment ça marche, ta affaire-là. Puis rien qu'une façon de démystifier l'invisible, c'est vibratoirement. Tu peux pas démystifier l'invisible spirituellement, c'est la plus grosse botte de poing qui existe dans le monde. Encore bien moins matériellement, tu tombes dans la philosophie. Mais spirituellement, tu peux pas démystifier l'invisible. Ni occultement, ni ésotériquement, tu peux pas démystifier l'invisible. Tu démystifies l'invisible vibratoirement. C'est vibratoirement que tu dévisses les vis. Charlie. Comment ça marche? sœur qui se parle dans les lits. C'est vibratoire. Que l'énergie passe par ton cerveau, puis qu'elle rentre dans ta tête, puis qu'elle reste dans ta tête au niveau de la pensée, ou qu'elle passe par ta gueule, ça change rien, à part. Ou qu'elle passe par ton corps physique pour te faire marcher, à part. L'énergie, c'est de l'énergie. C'est pas de l'information, c'est de l'être-té. C'est de l'être-té. C'est plus de l'information, c'est de l'être-té. Direct, ouais. C'est de l'énergie. C'est du savoir direct. C'est... Faut, je vous dis pour tous vous autres, il faut en arriver à démystifier l'information. Il faut en arriver à plus s'occuper de l'information. En arriver à plus s'occuper de l'information parce que l'information ne sert à rien qu'à mystifier psychiquement notre intelligence. Vous n'aurez jamais de l'information qui vous servira mentalement. Vous aurez toujours de l'information qui vous servira psychiquement. L'information, on ne l'avait pas. Wow, j'espère pour ceux qui en ont. Il y en a des gens qui communiquent avec les autres clans. Quand t'en as pas, ouais. C'est une illusion. C'est une illusion. Moi, je te parle la soirée, là. J'ai jamais pensé à ce que je te dis. J'ai jamais écouté eux autres me parler dans la tête et me dire ça va, c'est de même que tu vas expliquer ça. Ça passe, énergie, puis c'est de même. C'est pour ça que les rencontres sont vraiment pareilles. Parce que je sais jamais ce que je vais dire. Tout ce que je sais, c'est que je suis dans l'énergie, puis quand je suis dans l'énergie, je fonctionne. Fait que, occupez-vous pas de ce qui se passe dans votre tête, parce que c'est pas dans votre tête que vous allez résoudre le problème. C'est quand vous allez découvrir qu'il y a entre vous et eux autres un équilibre qui doit être vécu, puis rendu un jour, puis c'est l'équilibre de votre volonté. Votre tête, elle devrait être vide, comme un pot de poisson. Sans jasette. Ou si vous jasez, c'est pour vous amuser avec eux autres. Pur et simplement. Puis vous amuser. Dans ce sens que ce qu'ils vous disent, n'importe quoi, il n'y a rien là. Ils peuvent vous compter l'avenir, le futur, tout à l'heure. Mais si tu t'accroches à ça psychiquement, c'est pas bon. Si tu comptes l'avenir, tout à l'heure, tu fais le compte. Bon, je vais te l'expliquer. Tu sais, quand tu écoutes un radio, là, quand tu écoutes les nouvelles à la radio, bon, quand tu écoutes des nouvelles à la radio, tu les écoutes, c'est de l'information qui peut te servir, mais tu ne t'y attaches pas. Mais c'est la même chose dans la tête. L'information qui nous rentre dans la tête, il ne faut pas qu'on s'y attache. À aucun niveau. Puis même si elle est importante, il ne faut pas qu'on s'y attache. C'est dur à saisir ça. Elle est toujours en pensée. Elle est toujours en pensée. Quand vous aurez de l'information importante, l'information vous sera donnée auditivement par télépartie, par des gens, par des hommes qui sont sur la planète. C'est un autre plan, mais par des hommes, pas par eux autres. C'est des hommes qui communiqueront avec vous autres au niveau de l'oreille. Là, ça sera important parce que ça sera sur un même plan vibratoire. Ça sera pour votre survie ou vos activités ou quoi que ce soit. Mais pas par eux autres. Eux autres fonctionnent rien que par le biais de la pensée. Les hommes fonctionnent au niveau de l'oreille. La pensée, je comprends, quand même, je vais aller plus, même plus loin que ça, me dire une chose, toute pensée est niaiseuse. Parce que toute pensée n'est pas nécessaire. Mais tant qu'on n'est pas mental, elle est nécessaire, la pensée, parce qu'elle fait partie du psychisme. Ça change rien. Quand tu vas travailler, tu penses pas. Quand tu vas aux toilettes, tu manges pas. Quand tu manges, tu penses pas. Même chose. Ça se fait. Hein? Faut qu'on se détache psychiquement de la pensée. Parce que c'est là qu'il nous charrie, puis qu'il nous charrie, puis qu'il nous charrie, puis qu'il nous charrie, puis qu'il nous charrie. Toi, c'est un exemple. Faut que tu en arrives à te détacher complètement, à la regarder. Vous pouvez la regarder, votre pensée, voir ce qui se passe dans votre tête, mais attachez-vous pas à votre pensée. Si tu te penses niaiseux, c'est déjà quelque chose. Parce que quand tu te penses niaiseux, c'est parce que tu as l'impression d'être niaiseux. Tant que tu as l'impression d'être niaiseux, tu souffres de l'impression d'être niaiseux. Quand tu seras niaiseux, d'une autre façon, dans le sens que quand tu auras réalisé que ton niaiseux fait partie d'une dimension vibratoire qui te maintient à un certain niveau de créativité, à ce moment-là, tu ne souffres plus d'être niaiseux, tu seras simplement niaiseux. Comprends-tu ce que je veux dire? Fait que si tu ne souffres pas d'être niaiseux, c'est parce que tu ne peux pas fonctionner à un niveau créatif plus élevé, mais tu n'en souffres pas. Fait que tu n'es pas niaiseux. Mais tu es niaiseux parce que tu ne peux pas créer plus, même quand tu y penses. Fait que aussitôt que tu penses d'être niaiseux, tu l'es. Mais si tu ne penses pas d'être niaiseux, même si tu l'es, tu ne l'es pas. Moi, je suis différent de rien. Parce que quand on pense quelque chose, on est cette affaire-là. Parce qu'on crée une forme. On crée une forme. L'homme est attaché après ça. C'est ça. Il y en a qui se passent intelligents, ils sont niaiseux. Ils sont pognés dans la même forme. Même chose. Aussitôt que tu penses à quelque chose, t'es cette affaire-là. C'est ça que je vous disais dans les séminaires, comparez-vous jamais à d'autres personnes. Parce que je sais comment est-ce que c'est mauvais de se comparer. Parce que quand tu te compares à une autre personne, automatiquement tu te trouves niaiseux. Puis tu n'es pas niaiseux. Tu penses que tu l'es parce que tu te compares. Merci. Monsieur, c'est ce que Murphy enseigne. Le désir vaut plus l'argent, il est pensé qu'il est riche. C'est le même mécanisme, tu crées une forme. Mais éventuellement. Le principe est là. Ça va pas marcher pour tout le monde. Si ça marcherait pour tout le monde irait, voyons. Ça marche avec certains individus parce qu'avec certains individus, ça devient une sorte de révélation, une sorte de mise au point du pouvoir psychologique de l'homme, selon les conditions de leur vie qui leur permet ça. Mais ça marche pour eux autres, ça marche pas pour tout le monde. Il y a un autre volet. L'autre volet, c'est le volet de la charité qu'on doit ou qu'on ne doit pas faire aux hommes. Il y a des charités qu'on doit faire aux hommes, puis il y a des charités qu'on ne doit pas faire aux hommes. Les charités qu'on doit faire aux hommes, ce sont les charités qui sont essentielles pour réduire la douleur de l'autre. Quand la douleur de l'autre le rend susceptible d'être inefficace dans sa vie. Un exemple. Un gars, il a faim, il crève de faim. Tu lui donnes de la nourriture pour le rendre efficace. Un gars se brise une jambe, il est poigné sur la route ou un. Tu le mets dans ton char, tu te le mets dans pour le rendre efficace. La seule charité qui est efficace, c'est la charité qui rend un homme efficace. Une charité qui ne rend pas un homme efficace, c'est pas une charité. C'est un mouvement contre l'esprit de la charité. C'est un mouvement contre l'esprit de la conscience. C'est un mouvement qui rend l'homme dépendant de la société. C'est pas bon. Il y a un dicton qui dit que quelqu'un qui a faim, tu donnes un poisson, c'est bon pour la journée, mais l'année, il va avoir faim encore, mais s'il apprend à pêcher, il est bon pour la vie. Ça revient au premier de l'efficacité. Si tu es intelligent dans ton efficacité, tu vas y apprendre à pêcher, le gars, puis l'année, il va prendre soin de lui. Ça revient tout à l'efficacité. La charité doit être efficace. S'il ne prend pas soin de lui, c'est son problème. Quoi? S'il ne prend pas soin de lui, c'est son problème. Après, oh, c'est jamais ton problème. C'est tout son problème. C'est ça. Mais si tu es impliqué dans un mouvement d'aide à un autre être, faut toujours que ça soit efficace. Puis pour que ça soit efficace, il faut que ça soit intelligent. Il faut pas que tu dépendes de toi constamment, sinon tu deviens impliqué et tu ne lui rends pas service. Non, non, c'est pas bon. Tu peux pas faire ça. Autonome. Des gens qui le font, c'est pas. Je vais vous dire une chose, si le gouvernement aujourd'hui enlèverait 50% de l'aide sociale dans la province, il y en aurait du monde qui se trouverait des jobs. Qui serait plus efficace. Ça serait plus efficace. Puis au niveau occulte, puis au niveau ésotérique, puis au niveau là, où vous en êtes rendu, vous autres, ça prend une autre forme, ça, l'efficacité de cette charité-là. Quand tu te conscientises, T'as pas à rendre service à personne. T'as pas à conscientiser personne. T'as simplement à te conscientiser toi-même. Parce que tous les gens qui doivent se conscientiser sont marqués, puis vont se conscientiser à un niveau ou à un autre. Mais si toi, tu tends à conscientiser les gens, tu vas automatiquement diminuer ton énergie. Parce que tu vas toujours mettre de ton ego là-dedans. Tu vas toujours essayer de faire comprendre aux gens des choses qu'ils ne peuvent pas comprendre parce qu'ils passent par l'expérience. Les émotions rentrent là-dedans. Vous n'avez pas le pouvoir de la parole. Fait qu'automatiquement, vous êtes incapable de transmettre à une personne une vibration parce que vous ne l'avez pas encore assez suffisamment, cette vibration-là. Ça va être une job qu'on va obtenir. Fait que vous, maudit que tu es intelligent. C'est exactement ça. Tu t'embarques d'une job que tu n'es pas capable de finir. Quand tu t'embarques d'une job, il faut que tu finisses la job. Si t'es pas capable de finir la job, embarque-toi pas dedans. Ça, des fois, on arrive toujours à parler de ce qu'on est à d'autres. Même si on lui dit qu'on prend à rien, puis on se concentre pas sur l'équilibre. Je vous dis ça pour que vous en arriviez à ne pas perdre de l'énergie pour rien. L'énergie que les gens perdent, c'est incroyable. Incroyable. Puis ce qui arrive, c'est que quand vous perdez cette sorte d'énergie-là envers les autres, vous ne l'emmagasinez pas en vous parce que votre ego s'en sert psychiquement pour se flatter. Puis quand l'ego se sert de l'énergie pour se flatter, l'ego perd de sa densité interne. C'est comme s'il perd de son noyau, de sa centricité. Il perd. L'ego, il faut qu'il dirige son énergie. Il ne faut pas qu'il dilapide son énergie. Puis si, naturellement, plus tu deviens mental, plus ton langage change. C'est normal. Je vous donne un exemple. Il y a des types qui sont venus, les gars de la route, qui sont venus chez nous, je leur ai donné une bière. Bon. Là, on commence à jaser. Là, ils me demandent, qu'est-ce que vous faites dans la vie, monsieur? Là, ils me mettent sur le spot, là. Bon, j'écris des livres. Des fois, je vais à la télévision. Alors, là, je dis télévision, mais là, encore la vibration qui monte. Qu'est-ce que vous faites, la télévision? Finalement, je disais, j'ai-tu pas vous compter ma vie? Et là, il voulait savoir ma vie. Ah, j'ai dit, je m'intéresse à ce que vous appelez la parapsychologie. Ça me sauve. Il dit, qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? La para... Comment vous appelez ça? La parapsychologie. Fait que là, lentement, j'explique un petit peu la parapsychologie. Là, la vibration monte encore. Puis il y en avait un là-dedans qui était psychique, puis il ne savait pas. Fait que tu comprends qu'il avait les yeux grands comme des béquilles. Puis là, il me regarde, puis il dit... Quand il est parti, il me serre la main, je pensais qu'il était m'en causer. Il dit, vous m'avez dit quelque chose. Il dit, laissez faire ce que vous m'avez dit, mais il dit, vous m'avez dit quelque chose. Je dis, quand même. J'ai frappé une corde. Là, il dit, je vais revenir vous revoir. Non. J'ai dit, venez pas me revoir. J'ai dit, je veux pas que le monde vienne me revoir demain parce que je lui ai dit quelque chose. Et il voulait venir me revoir. Mais il y avait une façon de parler pour... Parce que je vis dans le Nord. Les gens, les contracteurs dans le Nord, les gens en campagne, c'est du bon monde. Ce sont des gens de service. Travail, réparer ci, réparer ça. Ce qu'il veut faire, ce qu'il n'aime pas, c'est qu'en campagne, surtout dans les coins express, il y a des gens qui sont snobs. Des gens riches, snobs. Mais quand tu rencontres un gars qui est snob pas, tu comprends que pour eux autres, c'est toute une expérience. Ils sont contents. Mais, d'un autre côté, moi, il faut que je me protège. C'est pas parce que je suis fin et je suis un snob que ce gars-là peut venir chez nous n'importe quand. Plus on devient mental, plus on crée de la vibration, plus on crée de l'énergie, plus on ouvre des portes dans le mental des gens, mais plus il faut qu'on contrôle le feedback. Puis vous autres, vous en arrivez dans cette phase de votre vie-là. Il va venir un point où vous allez ouvrir votre gueule, automatiquement, hop, les oreilles vont se tendre, les yeux vont grandir. Il faut que vous puissiez parler au monde puis ben, être bien conscient de ce que vous dites quand vous parlez au monde, pas trop attiser le feu de leur curiosité. Une réponse discernante. Parce que moi, si tu commences à compter ta vie au monde, à ce moment-là, ces gens-là vont être automatiquement attirés à vous parce que déjà, ils sentent en eux autres quelque chose que personne dans la famille, ni à belle-mère, ni à beau-père, a réussi à leur expliquer, ni de curé. Fait que vous allez être obligé de vous protéger et éventuellement de leur donner ça bien à petite dose parce que quand tu parles, tu es obligé de parler. Mais leur parler d'une façon bien rondelette pour peut-être susciter en eux autres une vibration parce que ça rend la conversation plus intéressante, ça rend la vie avec eux autres plus intéressante. Mais toujours contrôler ce que vous dites, sans ça vous êtes fini. Moi, je fais tout le monde. Oui, c'est ça. Moi. Ouais. Ça arrive à tout le monde. Ça va arriver à tout le monde. Plus vous allez devenir mental, plus ça va vous arriver. Plus ça va vous arriver. Puis il ne s'agit pas de ne pas parler au monde. Il s'agit de parler au monde. Mais de parler au monde avec discernement et intelligence. Pas psychiquement, mais mentalement. Il faut que vous réalisiez que vous n'avez rien à prouver. C'est tough, ça. À réaliser qu'on n'a rien à prouver quand on sent ou qu'on sait ou qu'on perçoit quelque chose qui est d'un ordre différent, qui est d'un ordre nouveau. Faut pas parler de. Tu peux parler avec le monde, mais il faut que tu saches quand arrêter. Les gens ne savent pas quand arrêter. J'en écoute des gens parler des fois, là, puis ils se vident. C'est ça. Puis vous perdez d'énergie. Cette énergie-là, quand vous la perdez, vous ne l'avez plus. Pour revenir à votre charité de tantôt, entre la charité et le don, il y a quand même une relation là. Entre la charité et le don? Oui. La charité de quoi? Ben, tantôt, vous parliez des gens là, qui font la charité, qui donnent à manger à un autre, après, qui s'arrange ou un autre, c'est qu'on s'arrange. N'importe quel mouvement d'un homme à un autre homme. Bon, ça, c'est bien intéressant. N'importe quel mouvement d'un homme à un autre homme, c'est un mouvement de charité. La minute que tu parles à une personne, c'est un mouvement de charité. Parce qu'un mouvement de charité, c'est un don. C'est un mouvement, c'est un passage d'un à un autre. Naturellement, il y a différents niveaux, différentes nuances dans toute cette patente-là de charité. Mais quand tu fais la charité, quand tu es dans l'acte de la charité, quand tu es dans l'acte de passer de l'énergie de toi à une autre personne, il faut toujours que tu le fasses avec discernement. Que ce soit au niveau des paroles, que ce soit au niveau du vin, que ce soit au niveau des pommes, que ce soit au niveau des poissons, que ce soit au niveau de n'importe quoi. Il faut toujours le faire avec discernement. Sans ça, la personne, tu deviens pour la personne une béquille. Puis il faut pas qu'on devienne des béquilles. Fait que la charité, ça se calcule pas. Ça se mesure. Voilà tout. Ça se calcule pas, charité. Ça se mesure. Puis pour la mesurer, la charité, faut être mental. Ça se calcule psychiquement, mais ça se mesure mentalement, puis c'est vibratoire. Puis quand tu sens la vibration, c'est temps de sacrer ton camp, ou c'est temps de donner, hey, tu sens la vibration, tu viens pour lui donner une pompe, puis une vibration qui te passe dans le corps, là, puis ça, la vibration t'indique d'en donner que la moitié de la pompe. Tu donnes la moitié de la part. Mais tant que vous n'êtes pas mental, vous ne réalisez pas cette vibration-là. C'est là que vous perdez l'énergie. Pour 10 ans. Pas une pièce. Pour 10 ans. Non. J'explique le principe. Tout ce qui passe d'un homme à un autre homme, c'est de la charité. Tout ce qui est charité passe d'une personne à une autre personne. Mais ton enseignement, c'est pas de la charité. Je ne fais pas d'enseignement, j'insiste. Ben, c'est pas ce que le passage d'une personne à une autre personne, c'est de la charité. Ni plus ni moins banal, ben cette différence. Comprends-tu ce que je veux dire? Je sais pas. Ce que tu fais, le temps que tu passes avec d'autres, les explications que tu lui donnes, c'est de la charité. C'est ça, avec ça. Je vais te le réexpliquer d'une façon différente. Moi, j'ai le choix. J'ai la centricité pour crisser mon cœur tout de suite. Moi, je suis capable de porter tout de suite. Tout de suite, là. C'est pour que vous sachiez pas si j'étais pour venir ou non. Comprends-tu ce que je veux dire, là? Non, c'est pas ça que je te dis. J'arrête de mourir. Comprends-tu? Autrement dit, la vibration, je l'ai créée assez juste pour que vous soyez pas sûr si je t'ai pour venir ou non. Autrement dit, je pars de mourir.